dans ma décapotable le long de la plage, dans mon autoradio cassette, entre deux titres de City Pop, j'écoute Galaxy Pop, un label au top. Ah et bienvenue dans ce nouveau Blindcast, et aujourd'hui on parlait de films français. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Blindcast. On est un petit peu en retard pour l'épisode de mars puisqu'on enregistre fin avril. Ça aurait dû être fait un peu plus tôt à Podren, mais il se trouve qu'on était tous un petit peu fatigués à Podren. Donc on a reporté ça un peu plus tard. Aujourd'hui pour le Blindcast, comme d'habitude, je suis accompagné par Sixties. Salut Sixties. Et aujourd'hui, on reçoit comme invité le magnifique, le mirobolant, le fantastique, le talentueux... Ah non, c'est Mergreen. L'incontournable. Ah oui, je me disais aussi, trop de compliments, c'était pas bon. Ah bah attends, tu m'en fais à chaque déproche, j'essaye de rattraper le retard avec 4 d'un coup. Ouais, bah c'est pas mal, merci. Je suis très content d'être là. Ah bah ça fait plaisir. Nous aussi, on est content. On est content de te recevoir. Ouais, moi bah, j'ai un peu peur parce que je suis très bon quand j'écoute les Blindcasts. Je fais, mais c'est tous des nazes, moi j'en ai trouvé 8 sur 10, 9 sur 10. Et là, je sens que comme je vais être un peu le lapin dans les phares, je vais faire, mais je sais plus ce que c'est. Mais non, tu vas nous faire comme Ron, mais ça va très bien se passer, t'inquiète pas. Ah, il est trop fort, Ron. Je sais pas. Il a eu quelques difficultés, mais j'avoue qu'on avait mis des grosses vacheries quand même. Rien ne sera plus vache que ce que Sixties t'a fait avec Mad Max Fury Road. Alors en fait, si, j'en ai qui peuvent s'en rapprocher, mais tu le découvriras par toi-même tout à l'heure. Bon, ok, mais non, je suis chaud, j'adore ça. En fait, j'adore jouer, même si je perds, c'est pas grave, tout ce qui est ludique, je suis dedans. Ah bah ça c'est bien, puis nous on aime bien jouer aussi, alors comme ça, on va en profiter tous ensemble. Exactement. J'espère que les auditeurs vont en profiter aussi. Que tout le monde va apprécier le moment. Bon, je pense que tu feras ta petite promo à la fin, ça te va ? Oui, bon, s'il y a besoin, ouais. Vraiment, oui. S'il faut remplir quelques secondes, je ferai ma promo. C'est toujours bien de le rappeler. Est-ce que tu es prêt, alors ? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Ah, j'ai entendu un de tes invités avoir une déclinaison toute personnelle récemment. Ouais, mais ça, c'est les moustachus... Ils parlent comme ça. Ah, ils n'ont pas si mauvais goût que ça, les moustachus, finalement. Non. Bon, alors allons-y, on commence avec le premier ? C'est parti. Eh ben, c'est parti. We'll be right back. Adèle, la vie d'Adèle. Oui. La vie rêvée d'Adèle. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Bravo. La vie d'Adèle. Bravo, bravo. Non, le premier, c'est pour se mettre en route. Putain, mais tu sais que ça, pour moi, c'est dur. C'était censé être le plus facile. C'est mais le non, stress, ça pour moi, c'est dur. Moi, les films français, en fait, les films français récents, j'espère que vous avez mis des vieilleries, hein, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Il y a quelques petits trucs un peu plus anciens, ouais, oui, quand même. Il oui, y a de l'année 70, 80. Bon, il n'y a pas du années 50, hein. On a du récent. Okay. On a du muet, si tu veux, c'était pratique pour les blindcasts. Ah, c'était bien. Ouais, on peut pas demander. Démarrage un peu difficile, mais je l'ai retrouvé. Bon, bah, c'est déjà ça. Ça te fait un sachant point. Que je ne suis pas du tout client du monsieur. Oui, je ne pas trop non plus, mais bon. Je crois que c'est Sixties qui avait choisi ce titre-là. Tu peux nous dire pourquoi? Bah déjà, parce que j'aimais bien la BO. J'aime bien la chanson. Ouais, la chanson est cool. Déjà, c'est cool. Et puis, bah, j'avais vu le film, pas à sa sortie, mais un petit peu plus tard, par curiosité, parce que je crois que c'était un des premiers rôles de Adèle et Exarchopoulos, quoi. Et bah, j'ai bien aimé, je vais pas le voir 10 fois, mais j'ai bien aimé comment c'était tourné, parce que c'est pas une caricature, on suit la vie d'une jeune femme, voilà, dans sa vie amoureuse, elle sait pas trop où elle en est, quoi. Et j'ai bien aimé la manière dont c'était tourné, le parti pris du réalisateur. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, je l'ai pas vu. Ah, d'accord, pas vu. Carrément. Ah bon? Non. Bah, c'est à voir, quand même. Ça va aller vite, du coup. Alors, pareil pour moi. Je peux surenchérir sur ma réputation et faire mon chieur. Bah oui, bien sûr. Oui. C'est pas une BO, c'est pas une bande originale de film, c'est une chanson utilisée pour oui, un film. Utilisée. C'est vrai, parce oui, que techniquement, il n'y a pas vraiment de BO pour ça. C'est la plus caractéristique, en fait. En fait, il fait comme Tarantino, quoi. Il aime aller pêcher des tubes ou des chansons qu'il aime bien pour les mettre dans ses films. Ouais, je crois que celle-là, c'est le film qu'on a fait un tube, il me semble. Je voudrais pas trop m'avancer, mais... Je suis pas sûr. Mais bon, je suis pas sûr. Enfin, moi, je connaissais pas cette musique avant de voir le film, en fait. Moi non plus. Mais j'ai pas vu le film, mais bon, de toute façon... Oui, c'est vrai que ça aide pas. Et du coup, en fait, Marie, on t'a pas demandé, c'est quoi ton rapport au cinéma français? J'adore le cinéma français un peu vieux. Enfin, un peu vieux, c'est toujours un peu chiant maintenant pour moi à déterminer. Oui. Parce que on va dire jusque dans les années 2000. Et sinon, c'est un cinéma que j'adore pour ses acteurs et pour une certaine période de pour son écriture. C'est-à-dire qu'il y a des comédies ou des drames que je trouve absolument géniaux. C'est des gueules. Alors là, ça va vraiment faire vieux, mais c'est des Lino Ventura, des Patrick Devers, des Pierre Richard qui ont bercé mon enfance. Et je trouve que on a un peu perdu ça. On a moins de gueule, ouais. On a moins de gueule et on a moins d'écriture, je trouve, qui sublime ça. C'est-à-dire qu'il y avait le plus célèbre, c'est Michel Audiard, mais t'avais des mecs comme Dabadi qui a fait Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, ouais. Et qui avait des dialogues très chouettes, sans que ça fasse très appuyé, ça coulait naturellement. Et j'aimais beaucoup ça. Il y a un côté un peu théâtre. C'est pas des vrais mots qu'on dit dans la vie. Enfin, théâtre pas de toujours. Boulevard même pour Dabadi, hein. Ouais, à voir. J'ai des films tu dis, ouais, c'est ce qu'on dirait entre potes, des choses qui restent. Alors, justement. Qui sonnent vrai. Parlons quoi. De Buffet Froid. Non, on va revenir sur Buffet Froid, ça va. Hein. Blié, ouais, je crois qu'en plus, on en a déjà parlé de Buffet Froid à Podrenne, on n'était déjà pas d'accord. Restons-en là. Ça reste un très bon film. J'irai rien de plus. Next. Allez, bon, deuxième. Allez, celle-là, ça doit être plus dans tes cordes, je pense. Non, mais pas d'indice. Bah, c'est pas un indice que je posais, ça doit être plus dans ses cordes. La folie des grands-mères. Quel talent. Bien joué. Quel talent. À peine 2 secondes. Ah, tu vois, la première, c'était pour que tu te chauffes. Là, c'est mieux. Michel Polnareff, le compositeur. C'est peut-être mon De Funès préféré. Je trouve juste que le film s'écroule à son dernier tiers. Ouais, au trois quarts, où il devient vraiment comédie de boulevard, alors qu'avant, c'est une explosion, c'est grandiose. De comédie, c'est grandiose. Ça part dans tous les sens. C'était alors pour le coup, le générique était réutilisé dans une matinale de France Inter et je l'entendais tous les matins étant môme en plus. Ouais, c'était réutilisé au début des années 80. Il y avait une matinale qui l'utilisait comme générique. Donc je connais. Ça met la patate, quoi. Ouais, ça mettait la patate. Mais le film, c'était mon film préféré de Funès quand j'étais môme. Hein. Bah, je crois que c'était le mien aussi, préféré. Moi, peut-être pas. Je l'aimais pas beaucoup avant, en fait, moi, celui-là. La faute à Yves Montand qui m'agace exceptionnellement. À part dans ce film, je reconnais qu'il est bon. Dans ce film-là, il est très très bon. Il a 4-5 rôles où il est très très bon. Celui-là en fait partie. Et c'est un contre-pied total de sa carrière en général, quoi. Ouais, il joue quand même pas mal de séducteur et tout ça, même si c'était pas dans sa carrière, c'était un peu dans sa nature quand même. Ouais, mais son côté ressort comique était pas toujours mis en avant. Non, c'est vrai. Bah, à la base, c'était un rôle pour Bourville quand même, qui était abandonné à la mort de Bourville et repris par Yves Montand. Mais je crois que je l'aurais moins aimé si ça avait été Bourville, moi. Parce que tu le connais comme ça, mais le Corneau, tu vois. Je suis pas très Bourville, moi. Le Corneau, j'accroche pas parce que Bourville, j'accroche pas. Moi, j'aime beaucoup Bourville, mais je préfère la Grande Vadrouille au Corneau, par exemple. Même avec De Funès, je préfère la Grande Vadrouille. Je préfère le Corneau, mais bon. Ça joue un peu. Il y a deux écoles, hein. Tiens, bah, Sixties, est-ce que tu veux nous résumer Bah, vas-y, j'ai fait... Je peux le faire, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas compliqué, pour ceux qui ont un peu de culture, c'est une parodie de Ruy Blas de Victor Hugo. Et pour ceux qui n'auraient pas lu Ruy Blas de Victor Hugo... Donc... Alors, l'histoire, c'est simple, c'est un ministre qui est joué par De Funès, qui est une espèce de ministre des finances, un salopard, un seigneur espagnol qui... Puis les pauvres et s'enrichit, et puis il est destitué par la reine qui est allemande, qui est con comme une pelle, mais qui est allemande. Sauf que le valet de ce ministre est amoureux de la reine, et donc le ministre, qui est joué par De Funès, va l'utiliser pour reprendre le pouvoir. C'est ça. Mais le tout traité... Version comédie, avec des portes qui claquent, des déguisements... Des quiproquos, des complots déjoués... voilà, quoi. Ils sont tous à leur top. De Funès est over the top. Il en fait kilos. Là. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Oui, ah bah oui, clairement. Tu vas pas voir un film de Funès pour le voir diminuer, on va dire. Même il y en a pas trop eu, je pense, où t'es peut-être le dernier. Les gendarmes n'étaient pas terribles. Les derniers gendarmes et L'aile ou la cuisse, moi je le trouve très fatigué dans L'aile ou la cuisse, mais bon. Ah, je trouve ça pas, j'aime beaucoup L'aile ou la cuisse. Moi. Je déteste ce film, il est pas bon. C'est toi qui est pas bon, écoute, t'aimes Buffet froid, toi. Bah ouais. Bon, bah voilà, tout est dit. Oh, ça va être long, hein. Pourquoi on a invité Non, t'as vu la rapidité avec laquelle je trouve les morceaux. Non, c'est vrai. Bravo, bravo. Tu as deux points. Mais attends, n'oublie pas, les premiers, c'est les plus simples. Les premiers, c'est Sixties qui a choisi, en plus. Après, c'est moi. Je t'ai fait une petite sélection. Mais pas d'indice, hein. Ça, c'est pas un indice. Non, mais pas d'indice. Là, voilà. Le fait que tu dises que c'est moi qui ai choisi, ça va être plus facile. Ouais, c'est les faciles, c'est les premiers, donc... Allez, on passe au troisième, Marine. Go. C'est parti. Nikita. Oui. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bravo, Mère Green. Nikita, dans les premières secondes. Ouais. Bravo. Peut-être une petite vingtaine de secondes pour les premiers. Bah, le début, c'est quand même une espèce de truc synthé très lent. Mais la première, les premières notes de base de Eric Serra, j'ai reconnu. C'est à l'époque où Eric Serra était à peu près écoutable encore. J'aime beaucoup la BO. Oui, j'adore la BO de Léon. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Et voilà. J'avais un souvenir, je trouvais que c'était hyper reconnaissable. Il y a un film qui était produit par Besson à peu près à la même époque, qui s'appelle Kamikaze avec Galabru et Boringer. Oh putain, oui. C'est produit par Besson, ça? C'est produit par Besson. Ah bah, tu le vois, oh, il est derrière la caméra la moitié du temps. Hein. C'est réalisé par Didier Grousset. Un mec qui n'a pas fait grand chose, mais il a quand même réalisé Rendez-vous au tas de sable, le film avec Richard Gottener, écrit par Richard Gottener, que je recommande grandement. T'as un parti pris avec Richard Gottener. Ouais, mais le film est fun. Le film est très très fun. C'est pas grandiose, mais c'est très fun. Mais Kamikaze, c'est vachement bien. Je recommande l'histoire d'un type qui invente une machine pour buter les gens en direct à la télé. Et aujourd'hui, j'avoue que c'est tentant. Ça pourrait être pas mal, c'est vrai. En fait, ça remonte les ondes et ça... Alors, c'est de la SF, hein, mais c'est très drôle. Et Galabru en tueur en série est formidable. Ouais, et ce film-là, j'ai un souvenir très vague de l'avoir vu, mais c'était très spécial quand même comme film. Hein. C'est un peu loin de l'esthétique habituelle Besson. Ah, c'est très Besson, hein. Ah non, non, revois-le, tu serais étonné, tu dis « Ah ouais, tout est là ». Ah ouais? Ah, Nikita, ah. Il est... Non, pas Nikita, Kamikaze. Ah, alors, Nikita, ça fait partie des Nikita, bons Besson. Nikita, c'est Besson. Pareil que pour La Fuite des Grandeurs, en fait, j'aime beaucoup le film. À partir du moment où il y a Victor Nettoyeur, je trouve que ça s'essouffle un peu, c'est dommage, la fin tombe un peu. Alors qu'il y a des super scènes avec Pario et Anglade, et même quand c'est pas les scènes d'action, les scènes où ils sont tous les deux amoureux, je les trouve très touchantes, et ça marche très bien. Oui, c'est sincère, en fait. Ouais. L'époque où Besson faisait des films pas mal. Oui. Elle est loin, d'accord. Cette époque. Ouais, et c'était aussi Nikita. On voit qu'il avait vu les films asiates, les HK. Ah bah oui. Et nous, on les avait pas encore vus. Donc il y avait des trucs qui nous sciaient. Et puis après, quand on a découvert les Ringolam, tu vois Zuckilla, une balle dans la tête, okay. Les John Woo, tu fais d'accord, ça vient de là. Ok, je comprends mieux. Bah oui, hein. Et puis Anne Pario, c'était sa femme de l'époque. Hein. Enfin, il avait l'habitude de faire tourner à chaque fois ses... Oui, à chaque film, il y a sa nana de l'époque. Voilà. Des fois, celle d'avant qui y est aussi. Tu vois. Ouais, le pire, c'était pour Le Cinquième Élément, où sa nana de l'époque jouait avec... Non, c'était... Non, c'est... Nolwenn. Pas Nolwenn. Maïwenn. Non, c'était... Maïwenn et Mila Jovovich dans le même truc. Ouais. Chaud. Ouais. Bon, c'est pas. Je déteste Le Cinquième Élément. Et Le Cinquième Élément, j'avais déjà pas aimé, même à sa vision au cinoche. Ah oui, quand même, parce que moi au cinoche, j'avais bien aimé. Ah, mais à le revoir, j'ai trouvé ça nul, putain. Mais Léon, mais ça moi, dépend je trouve, parce que. Je trouve que ça reste bien, tu vois. Les petits, ils ont bien aimé, tu vois. Enfin, oui, ça dépend de l'âge que t'as aussi. Ouais, mais bon. Ce que t'as déjà vu, toi, t'es blasé, quoi. Oui, mais tu dis. Oui, non, j'allais dire, tu l'as vu au Cinoche, mais t'étais pas enfant, toi, quand tu l'as vu au Cinoche, Mère Green. Non, j'avais 24-25 ans. Ah ouais. Ouais, c'est ça pour faisait ça, peut-être moins. T'étais déjà critique. Ouais. Non, j'étais déjà blasé. J'en ai déjà marre. Bon, bah très bien, pas mal. Sixties, toi, t'as quelque chose d'autre à dire sur Nikita, puisque tu l'avais choisi? Bah, moi, j'ai vu ce film assez jeune, hein. Enfin, il est sorti quand déjà? En 90? Oui, non, je l'ai pas vu à sa sortie, ça, c'est sûr. Non, moi, j'avais vu en vidéo, hein. J'avais vu en cassette. En cassette. Ouais, vidéo. Moi, je l'ai vu, il devait passer à la télé, je pense. J'aimais déjà bien Luc Besson, en fait, déjà à l'époque. Ouais, t'aimes bien le Grand Bleu, toi? Bah, j'aime bien le Grand Bleu. Le pansement, ce truc. J'aime bien Léon. J'aime bien aussi Lucie, j'ai bien aimé. Ah ouais, non. Ah, j'aime bien ce bouet, moi. Ouais, il y a Totof, c'est bien. Ah, ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai. Moi, s'il y a Totof, j'aime bien, je suis content. Le mais dernier non, coup, ce moi, film. Et puis, il y a une apparition aussi de Jeanne Moreau. J'aime bien aussi cette relation qu'elle a avec, avec Anne Pario. Bon, il y a Tchéky Cario. Oui. Non, il y a du monde dedans. Ouais. Il y a du beau monde hein, au casting quand même. Donc moi j'aimais bien le rythme, j'aimais bien quand elle devait réapprendre, enfin En fait, ils l'ont sauvé, quoi. J'aime bien toute la première partie de l'entraînement qui est vraiment chouette. Quand elle est en Italie, là, et que... Ouais. Mais là où elle est enfermée et où ils lui disent « Bon, bah, ce soir, tu sors », et puis qu'il y a une première mission, tu fais « Ah !» Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a un bon suspense. Ouais, ça marche bien. Bon, bah, en tout cas, ça marche bien pour Marine aussi, qui en est à 3 points. Bravo, Marine. Ouais, attends, je flippe à chaque nouveau morceau. Hein. Non, ça va. On est encore dans les sympas, là. Tu vois, on est sur des films qui sont quand même plutôt grand public, plutôt... Ah, mais il y a des trucs, je suis sûr que je les ai pas vus. Vas-y, en bas. Époque formidable. Pas voilà. Mal, bravo Marine, avec un ou deux indices. Et j'aime bien Junio, moi, en tant que réal, il y a des... pas tout, mais je sais que Pino Simple Flic, j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé. Moi, Scoot Toujours me fait rire. J'aime beaucoup Scoot Toujours, mais à chaque fois, tu dis, ouais, c'est de la grosse gaudriole, c'est con, et tu dis, ah, mais il y a du fond, à chaque fois, t'es surpris. Oui. Casque Bleu, j'avais bien aimé, Casque Bleu. Casque Bleu, c'était pas mal, même moi, dans ces derniers, Le Rose et le Noir, j'avais trouvé ça bien. Et pas vu, tu as. Mais comme c'était génial, j'ai été le voir, j'ai bien aimé. Mais Une Époque Formidable, pour un, ça reste son meilleur film. Mais là, on n'est pas sur de la grosse gaudriole quand même. Hein. Ouais, il y a toujours un. De toute façon, il y a toujours un fond social dans ce qu'il fait. Oui, voilà. Là, c'est plus qu'un fond. Là, c'est la globalité du truc qui est social. Oui. Mais même un film un peu gaudriole comme Casque Bleu, en fait, ça parle quand même des gros bourgeois qui vont se faire des vacances Club Med dans des trucs en disant. Le reste du monde ne nous intéresse pas et le réel les rattrape assez violemment. Oui, Casque Bleu, oui, clairement, ouais. Oui. Mais ce film, en fait, quand tu le regardes jeune, tu te dis, oui, c'est un peu glauque, le mec, il perd son taf, sa femme, enfin, c'est ça vraiment... Ça va vite, quand même. Ça va très vite. Et moi, après, j'avais déjà 17-18 ans, il date de quelle année ? 91. Oh, bah oui, j'en avais même 19, dis-nous. Et après, quand tu vieillis... Tu te dis, putain, j'espère qu'un truc comme ça ne va pas me tomber dessus. Quoi. Enfin, tu vois, tu prends conscience que c'est vachement... aléatoire, c'est vraiment... C'est réel, quoi. Enfin, il y en a qui l'ont vécu, c'est du vécu pour certains, quoi. Donc, tu te dis, waouh. Et dans le même genre, tu avais Marche à l'ombre de Michel Blanc, justement. Oui, j'adore. Qui était sur les zonards, les mecs qui font la manche aussi, et qui était très réussi. Avec Gérard Lanvin. Ouais. Ouais, qui était peut-être Sophie un peu Duez. Plus gaudriole quand même. Oui. Sophie Duez. Vu comment il en parle, elle devait montrer ses seins. Oui. Oui. Ah bah, évidemment. Pourquoi je suis pas étonné ? Parce que je suis un mal cisgenre encore plein de vigueur. Mais c'est le printemps. M'en dis pas trop. Garde du mystère pour toi. Garde-en un peu pour ton journal podcastique. Oui. Non, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Une Époque Formidable, à part que c'est vraiment un film magnifique. Bah, c'est touchant. Ouais, c'est touchant. Ouais. C'est devenu un classique en plus. Ouais, carrément. Et on a quand même un beau casting aussi. On a Bohringer qui a un rôle exceptionnel dedans. Bohringer, Tiki Olgado qui est bon aussi. Tiki Olgado, c'est pas le même gabarit. Non. Tiki Olgado qui était secrétaire de Claude François dans sa prime. Ah oui, j'avais entendu ça à un moment donné, ouais. Ouais, comme quoi, ça mène à tout. Hein. Oui, bah, ça aide. Hein. Oui. Je sais pas à quel point ça. Ça a l'air d'être un gros con quand même, Claude François. Donc bon. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté. Ah, bah non, ah, oui, tiens, aussi. C'est vrai, il a joué à l'électricien et il s'est loupé. Ah oui. Mais ouais, en tout cas, ouais, le rôle, que ce soit Richard Bourringer ou Tiki Olgado, c'est quand même deux gros rôles, je pense, qui ont bien marqué les acteurs, pour le coup. Ouais, ouais. Bon, bah très bien, Marine. Bon, t'en es à 4. 3,5. Non, 4. On fait pas les demi-points. D'accord. Ah, la prochaine, j'ai la musique en entier. Hein. T'inquiète pas, elle fait pas que 15 secondes. Et puis elle est bien, la musique. J'adore cette musique. Indice, c'est un de tes réalisateurs préférés. Alors, tu dis ça de manière ironique. Un peu. Alors, donc, c'est un film de Claude Zidi. Oh, joli. Bon, ça va être un Inspecteur la Bavure, un truc du genre. Ouais, pas mal, pas mal. Exactement, Inspecteur la Bavure. Ouais, mais parce que tu sais que j'aime pas ce film. Ah non, je savais pas que t'aimais pas le film. Je savais que t'aimais pas beaucoup Claude Zidi. Mais moi, j'adore Inspecteur la Bavure. Ouais, mais c'est pareil. Je trouve que Coluche est pas un bon acteur. Donc. Non, mais en tant que comique, il est plutôt pas mal. Ouais, non, mais oui, bah ouais, donc voilà. Je m'en veux pas tant que ça parce que j'ai dû le voir que deux fois et la dernière fois, ça remonte à oula, on va pouvoir compter presque en décennie, je pense. Oui, d'ailleurs, moi aussi, je pense qu'on peut compter en décennie parce que je l'ai même pas en DVD celui-là, donc ça doit faire un bail que je l'ai pas revu. Faudrait dire que je le chope, tiens. Prochain objectif. Que le mieux dans Inspecteur la Bavure, c'est encore Depardieu. Ah, j'allais dire, c'est Guillaume. Ah oui, Guillaume, il est bon tout le temps. Il est bon tout le temps, Guillaume. Et c'est vrai que Depardieu est pas mal dans Inspecteur la Bavure. Un film avec Claude Zidi et Guillaume, les ripoux, c'est 12 coudées au-dessus, quoi. Ah, je sais pas, j'aime bien les ripoux, mais. Ah, les ripoux, il est extraordinaire. Les ripoux, il est plus tendre, il y a un côté humain. Ouais, et tendre, il est tendre, mais il reste dans drôle. Inspecteur la Bavure. Et les acteurs sont immenses. Tous, ils sont très bons dedans. Oui, oui, c'est vrai qu'ils sont tous... On les a rendus le plus l'autre jour. On l'a vu, c'est vrai que c'était chouette. Ouais. C'était vraiment bien. Et moi, j'aime bien Inspecteur la Bavure. J'aime bien Coluche dans ce rôle-là, le mec qui est vraiment... qui foire tout ce qu'il fait du début à la fin, quoi. Ouais, ça me fait bien, c'est un peu téléphoné, mais dans l'ensemble. Oui, mais bon. Et encore, un téléphone à fil et tout. Oui. Mais non, j'aime bien. Et puis moi, j'adore cette musique de Vladimir Kosma. C'est vraiment chouette. Elle a un côté ska qui me parle énormément. Je confirme, c'est vraiment pas la meilleure de Kosma. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je t'en cite plein d'autres. Ah bah tu peux en citer si tu veux, c'est pas grave. Mais non, je crois pas qu'il y ait d'autres Vladimir Kosma, mais je vais pas m'avancer trop vite. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup celle-là. Le petit côté ska et tout, je trouve ça chouette. Ok. Bon, puis j'adore le film. Et puis je crois que tu l'as pas vu, toi, Sixtine. Non, je l'ai pas vu, non. La chance. Oh, quelle méchanceté, Mère Green. T'es vraiment vilain, quand même. C'est vrai. Attends, j'ai une réputation à tenir. Hein. Oui, autant pour moi. Faut que tu dénigres tout. Tu salis tout. Ouais, c'est ça. Pas de problème, non, je prends. Bon, moi, je continuerai à défendre l'inspecteur de la bavure. Bah écoute, je ne t'accompagnerai pas sur cette colline. Bah non, écoute, moi je te laisse buffet froid et moi je prends inspecteur à la bavure. Hein. Chacun ses classiques. Pas de soucis. Bon bah très bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui compte son point ou pas? Parce qu'il l'a trouvé quand même relativement rapidement. Et je vous propose... À partir du moment où t'as donné la réponse, oui. Non, on a donné un indice. Ouais mais regarde, ça fait 2,5, allez, on le compte pas celui-là et on compte l'autre. Ok. Allez, okay, bon ça marche, 4 sur 5. 4 sur 5. C'est bien, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. Bon, est-ce que tu veux qu'on attaque le sixième, Mère Green? Avec joie. Et là, on est peut-être un peu plus dans des trucs moins connus. Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse, car mourir d'amour, ce n'est mourir qu'à moitié. Je veux mourir ma vie avant qu'elle ne soit vieille, entre le cul des filles et le cul des bouteilles. Benjamin! Le Benjamin ? Oui, joli, parce que là, on commençait à attaquer le plus dur, quand même. Bah, il y a Brel. Oui. Brel et le côté film historique, il n'y en avait pas 50. Donc, Mon oncle Benjamin, grand film, oula, que je n'ai pas vu pareil depuis. Ouais, ça date. La dernière fois que j'ai vu, c'était en cassette. Ouais, c'était un film qui passait à la télé quand j'étais môme et que j'avais dû voir. Oui, il passait souvent sur la 3. Ouais. Mon oncle Benjamin. Oula, ça, on va le chercher loin. Je n'ai même plus le casting en tête, je n'ai même plus le réalisateur. Tu vas peut-être pouvoir. Molinaro. Édouard Molinaro, ouais. Le réalisateur. Casting, on a Jacques Brel, on a Bernard Blier. Oui. On a Claude Jade qui joue Manette. Ouais. J'ai pas le reste du casting en tête, ni sous les yeux d'ailleurs. J'ai mes petites fiches, mais ça, j'ai pas noté plus. Et puis, année érotique, hein. Oui, 1969, effectivement. Oui, ça nous rajeunit pas. Et ben non, moi j'étais même pas né. Moi non plus, faut pas déconner. Oui, quand tu peux dire ça, c'est que le film est vieux. Je commence à accuser un peu de bedaine, mais quand même. Mais quand même, faut pas déconner. Non, mais oui, c'était bel et bien Mon oncle Benjamin, donc avec Jacques Brel qui joue un espèce de médecin de campagne, un peu coureur, un peu aventureux. Ouais, séducteur, un peu Casanova. Ouais, c'est ça, un peu libre penseur, on va dire, dans une époque un petit peu compliquée. Voici l'époque des Lumières, d'ailleurs, je pense, où ça se passe. Ouais, je pense, ça sent le truc pré-révolution, mais pas loin quand même. Ouais, c'est ça. Où le clergé a encore beaucoup d'importance et... Et tout le reste aussi. La bienséance, tout ça. Ouais. Moi, j'aimais bien ce film. J'ai vraiment trouvé très, très chouette. Au départ, avec les premiers dialogues, j'avais pensé à Ridicule. Mais c'était pas ça. Non. Ça, j'ai pas pensé à Ridicule. Ça aurait pu. C'était bien aussi, Ridicule. Oh, c'est super bien, Ridicule. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'était donc Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel. T'avais vu d'autres films, toi, avec Jacques Brel, Sixties ? Non, j'ai jamais vu avec Jacques Brel, moi. T'as jamais vu L'aventure, c'est l'aventure ? Non. Pourtant, celui-là, je l'ai. L'emmerdeur ? Non. Oh, c'est bien, ça aussi. Bah oui, c'est bien. Mais je crois que c'est Molinaro aussi, l'emmerdeur, non, d'ailleurs. Non, c'est Weber. Qui l'écrit, mais je pense qu'à la réalisation, c'est Molinaro. Je voudrais pas m'avancer, mais... On peut checker vite fait, si tu veux. Oh, on peut checker, oui, oui, vas-y, vas-y. Attends, hein. D'ailleurs, il y a une autre version avec Tim Seed et Richard Berry aussi. Oui, non, mais ça, j'essaye même pas, tu vois. Ah bon que... Bah, déjà, oui, c'est Molinaro. C'est Molinaro. Ah, bah, tu vois. Comment il y a Richard Berry qui a jamais été un bon acteur, hein, donc À la limite, je pourrais sauver l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, il y a que le film me fait rire. Oui, c'est... Alexandre Aja qui... Non, Arcadie, pépère. Alexandre Arcadie, mais non, oui. Aja a fait des bons films, Arcadie, non. Le fils fait des oui, bons films. Mais il a essayé, écoute, tu peux pas y enlever ça. Ah là là, putain, ce film est d'un racisme incroyable. Oui, mais ils sont tous à fond, les acteurs, dedans, c'est ça qui est bien. Ah oui, oui, oui. Ça, ils sont à fond, hein. C'est un grand film, L'Union Sacrée. Musique 2 L'Union Sacrée, je sais pas. Jean-Jacques Goldman. Oh merde. Oui, c'est moche. C'est moche, ça. Bien arrangé aux côtés de rien du tout. Mais ouais, moi, j'aime bien Jacques Brel en tant qu'acteur. Tu vois, je trouve vraiment, je trouve qu'il a de la gueule, il a de l'emphase quand il joue. Enfin, je préfère acteur que comme chanteur. Et puis même quand il chantait, c'est un mec qui vivait ses textes, qui donnait tout. Hein. Donc oui. Il est vraiment très bien. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça avec L'Aventure, c'est L'Aventure, faudrait qu'on le voie aussi, parce que t'as un de ces castings là-dedans. Bah, c'est... Jacques Brel, Ventura. Ah bah oui. Il y a même Johnny. Il y a Johnny, c'est vrai qu'il fait une apparition dedans. Il est kidnappé, le pauvre. Ouais. Bon, on dévie. Bon, alors celui-là, tu l'as trouvé. Bravo. Ouais. Donc bravo. Ça t'en fait 5 sur 6. Bravo. Eh ben, on va attaquer le 7ème. Vas-y. Bah, allons-y. Allez. Thank you. mal, c'est pas désagréable, mais je l'ai pas. Oh là là. Ah là là. Je vais rougir de honte. Oh non, tu vas pas. C'est mon film doudou à moi. Mais c'est vrai que la musique, elle est pas du tout en rapport avec le. Ouais. Non, pour moi, elle est pas en rapport, mais. Voilà, c'est moi qui vais le dire. Ah oui, c'est toi la qui vais le dire. C'est toi qui as choisi le film. Là. C'est moi qui l'ai choisi, celui-là. Non, non. La Boum, c'est son autre film doudou. Il y en a oui, mais non, c'est moi mon film doudou que celui-là. Vladimir Kosma. Non, celui-là, c'est mon vrai film doudou. C'est La Boum pour les filles. Non, ah non, bah non. C'est sexiste, ça m'est agréable. Non, non, mon premier film doudou, c'est celui-là. Alors, vas-y, je Elle est Fugitif. Ah, ouais. J'adore Les Fugitifs, ouais. Pourtant. Ah, oh, mais moi aussi. Oui, c'est moche. Je l'ai vu au Cinoche, hein, à sa sortie. Oh là là. Ah non, c'était moi, je l'ai vu à la télé. Ah, c'est bah, génial, c'était, ce film. C'était La Réunion des Beaux Gosses, film d'aventure, film de braquage, y avait tout. Le braquage, faut le... Bah, attends, alors, si je peux raconter un peu le synopsis... Vas-y. Donc, en fait, un gars, campé par Gérard Depardieu, qui sort de prison. Ah, pardon, je confonds avec... Je dis une connerie. Tu confonds avec quoi? Non, je le confonds avec Les Fugitifs. Pour moi, c'est le truc qui était... C'était avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Mais non, ça, c'est... Pas du tout. Merde, comment ça s'appelle? C'est pas, si c'est pas les, non, c'est pas Les Fugitifs. Non, c'est pas Les Fugitifs. Non, c'est... Je vais te le retrouver. Bernard Giraudot. Sixties va continuer à d'expliquer Les Fugitifs et moi, je vais te Donc, le retrouver. Donc, tu l'as vu, Les Fugitifs? Ah ouais. C'est le dernier de la trilogie? Je crois non. que c'est Les Compères, le dernier. C'est Les Compères, le dernier. Ouais. Je crois que c'est, Les Spécialistes. Les Fugitifs, la chèvre. Ouais. Et après, Les Compères. La chèvre, Les Fugitifs et Les Compères, c'est ça. Donc, ouais. T'as un mec, Gérard Depardieu, qui sort de prison. Et donc, il va dans une banque pour se chercher du fric, quoi. Et là, il y a Pierre Richard qui arrive pour faire un braquage et il prend Gérard Depardieu en otage. Il foire son braquage. Il foire son braquage. C'est d'un comique, ces scènes. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, t'as la scène où t'as Gérard Depardieu et Pierre Richard qui sortent de la banque parce qu'il y a les flics partout. Et donc, les flics, ils disent, pourquoi t'as pris... C'est le mec qui sort de tôle qui a braqué l'autre. Et en fait, non. Et en fait, s'ensuit une course-poursuite, ce film, il est juste extraordinaire. T'as Jean Carmet qui joue un veto. Ouais. Elle est où la baballe? Elle est où la baballe? Ouais. Il a avalé la baballe en jouant. Et non, ce film, il est extraordinaire. J'ai dû le voir 550 fois. C'est une rigolade, quoi. C'est un humour hyper décalé. Pour le coup, c'était Weber. C'était Weber. Ouais. Oh, ouais, c'est Weber. Ouais. Et pour le coup, moi, des trois, je préfère La Chèvre. Je trouve que la musique de La Chèvre, en plus, ça se reconnaît bien. Oh, mais ça, oui, mais justement, c'était trop facile. Oui, c'est vrai que c'était trop facile, t'as raison. Mais moi, je préfère La Chèvre. La Chèvre me fait beaucoup plus rire. Le coup du malchanceux, l'idée débile de base me fait plus rire. Oui, mais c'est beaucoup plus... c'est moins touchant que moins touchant. Les Fugitifs. Ouais, c'est vrai que Les Fugitifs a plus ce côté touchant. Et puis, Les Compères, à la fin, encore plus. Et puis, Pierre Richard, il a une gamine qui est obligée de mettre à la DAS parce que c'est un clochard, quoi. Donc, y a quand même un côté beaucoup plus touchant que La Chèvre, qui est plus caricaturée, plus dans le gag, en fait. Oh, bah, ouais. Clairement, c'est que du gag. C'est que du gag. Je préfère La Chèvre aussi, je trouve qu'il est mieux rythmé. Ouais, oui, parce que du coup, il est rythmé par les gags. Là où on est plus sur une histoire avec Les Fugitifs, un peu plus tendre. Oui, plus tendre, ouais. Et puis bon, et donc le film avec Giraudot et Lanvin, c'était Les Spécialistes. Ouais. Voilà. Qui est vachement bien. J'adore. Il est très bien aussi. Tu sais, j'y hésitais avec celui-là. J'y ai pensé, j'ai hésité. J'aurais pas retrouvé la musique, je pense pas, mais bon. Peut-être pas. Peut-être que moi non plus. Mais bon, c'est vrai que ce film était chouette aussi. Est-ce qu'on enchaînerait pas? Allez, on continue. Parti. Et on est toujours dans les difficiles. Hein. Ah, donc, oui. Tu l'as pas eu celui-là. Hein. Ah bah non, celui-là, il l'a pas eu. Non. Donc, il est à 5, Mergreen. Ok. Alors, le 8e titre. Thank you. crois que j'ai pas. Bon, et eh ben c'était Martyr. Ah que ouais. Oui, en plus il y en a pas beaucoup de la musique, j'aurais dû la retenir. T'as peut-être été retenu par autre chose. Ah oui, oui, oui. Oui, non, ah, oui, mais oui, bah, tu me le dis, oui, oui. Ah, c'est du costaud, hein. Ah, c'est. Bah, moi, je l'ai pas ça, encore ouais. vu. Je voulais le voir pour l'émission, j'ai pas eu l'occasion. Bah, non, si. Il l'a pas vu. Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu moi, je l'ai vu au cinéma. Oh la vache. Putain, tu peux pas faire de pause au cinéma pour dire je reprends mon souffle. Non, et en fait, on était déjà pas beaucoup dans la salle et je voyais les gens partir un à un. On restait plus que trois à la fin, quoi. Et j'ai dit, il faut que je tienne jusqu'au bout parce que j'ai envie de voir la finalité aussi, quoi. Bah ouais. Et j'avoue, pendant trois jours, c'est très rare que ça me fasse ça, mais pendant trois jours, j'étais pas bien. J'étais ah ouais, pas bah bien. Il fait j'étais. Ah là là, mais ça remarque, m'a. J'étais avec du Gaspard Noé, c'est pareil. Hein, il faut un certain temps pour t'en remettre. C'est pas loin, c'est vrai, c'est pas loin. Il y a une petite ressemblance de ce côté-là. Oh, toi, t'as pas vu Martyr? Bah écoute, tu le regardes avec les enfants, ils vont aimer. Oui, bah oui. Ou moi, je sais même pas si j'ai envie de le revoir, en fait. Avec le chat, plutôt, avec le chat. Ouais. Toi, tu l'as vu combien de fois? J'ai dû le voir quatre fois, Martyr. Quatre fois? Vache. La première fois, j'ai fait, oh la vache, je faisais des pauses. Ouais. Et t'allais fumer, je me souviens que c'est ce que tu disais. J'allais cloper parce que je clopais encore à l'époque et je faisais des pauses. Et ouais, c'est assez insoutenable. Et en même temps, il y a un côté fascinant où tu dis, il faut que je sache. Oui. C'est pas comme un saut. Non, c'est beaucoup plus subtil en fait. C'est plus dur, plus insoutenable et en même temps plus cohérent qu'un torture porn basique. Oui, parce que c'est réaliste en fait, c'est pas du spectacle. Non, enfin, il y a une finalité, ouais. C'est-à-dire que c'est justifié et on ne dit pas tout de suite pourquoi. C'est ça qui est emmerdant, c'est que on ne dit pas tout de suite pourquoi, mais il y a un sens à tout ça. Mais je trouve que Pascal Laugier, en dehors d'être un réalisateur de films d'horreur assez conséquent, c'est surtout un bon scénariste aussi, parce que quand tu vois ce qu'il écrit, en général, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Moi, que ce soit Martyr, du coup, j'ai pas eu, mais j'avais vu Le Secret, j'avais vu Saint-Ange, j'avais vu pas mal de trucs de Le Secret, c'était bien, hein. Je trouve qu'il écrit bien, et Le Secret, t'es pris à contre-pied à la moitié du film, ce qui était génial dans The Secret, c'est qu'à un moment, il y a une bascule et tu dis, attends, je comprends plus ce qu'on me montre. Et t'as t'as 10 minutes de flottement où tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tu dis, alors au début, tu te dis, tiens, il y a une erreur de raccord, c'est un peu bizarre, c'est un peu gros. Mais non. Et pendant 10 minutes, et qu'est-ce qu'ils me font là? Et le dernier qu'il avait fait, dans mon souvenir, avec Mylène Farmer, Ghostland. Pareil. Très dur, mais très bien. Mais ça n'a pas l'air d'être un tendre logier quand même. Oui, il adore les films d'horreur. Donc, Donc voilà, Martyr. Ouais, c'est. Faudrait que tu le vois celui-là. Bah ouais, il est sur ma liste, Après, Je te dis, avec Louloute sur les genoux, ça va être du bonheur. Ouais, c'est ça. Ouais, pour l'instant, on est au Terence Hill et Bud Spencer. Le gap est un peu élevé, je pense. Tu lui mouilles la nuque avant, je sais pas, tu lui montres à l'intérieur et puis hop. Haute tension et hop, on enchaîne. Ah voilà, haute tension, très bonne transition. Branded. Mais non, Branded, c'est vraiment drôle pour le coup. Branded, c'est super drôle. Oui, mais est-ce qu'elle a l'âge pour le regarder? Je sais pas. Non, je sais pas. Je pense pas. C'est très très drôle à partir du moment où tu dis c'est débile. Le gore, il choque moins quand c'est débile. Ouais, mais il y a des zombies. Quand même. Ouais, il y a des intestins qui pètent. Bon, non. Bon, on va éviter alors. Ouais, attends un peu. On va attendre. Quel âge, là? Elle a 9 ans. 8 ans. Elle va avoir 9 ans. 8 ans. En novembre. C'est en novembre. Oui. Arrête de la vieillir comme ça d'un seul coup, là. On va attendre qu'elle ait 10. Bon, ça veut dire que Jojo, il peut regarder Branded alors. Bon. Ah, non, on va dans l'ordre. Il me fait engueuler, moi, avec tes conneries. Bon, en tout cas, Martyr, tu l'as pas retrouvé. Mais non, je suis toujours à 5, retenez t'es bien. Toujours à 5 sur 8. Toujours à 5. Et puis les deux dernières, elles sont pas pour t'aider non plus. Hein. Ouais. Je suis désolé de te le dire, mais par contre, si tu as les deux dernières, bravo. Ouais, parce que là, on est sur du... Il y en a un qui est obscur et l'autre qui est... La musique est particulière. Bon, bref, on attaque la 9e. Allez. Vas-y. Allez. donne-moi ta patte et prends la mienne. Voici ma carte. Je te promets d'aller chercher tout ce que tu veux me lancer. Je suis un vaurien, qu'à cela ne tienne. Fixons la date et je te jure de m'allonger sitôt que tu me dis coucher. Donne-moi ta patte et prends la mienne. Tout nous sépare, on ne présente pas les bâtards à celles qui ont le palais noir. Je suis un vaurien, qu'à cela ne tienne. L'amour est rare, ne demande pas, je t'en sais gré d'éplucher mon pédigré. Donne-moi ta patte et prends la mienne. Défaire tes nattes me console de mes nuits derrière les murs blindés de la fourrière. Dis à mes pattes, soudain ma chienne de vie me gâte. Je suis un vaurien, qu'à cela ne tienne. Donne-moi ta patte, prends la mienne. Pas le truc avec Toto Flambert et Anconina. T'es pas allé chercher cette bouse quand même. Si. C'est lui, hein. C'est lui. Mais t'es il pas me faut le titre, Marine. Juste dénigrer le film, ça compte pas. C'est pas, y a pas un truc avec Sherlock, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Hercule et Sherlock. Exact, c'était Hercule et Sherlock. J'ai trouvé le titre, c'est du Diable Vauvert. C'est Jeanne Osvar qui a réalisé ce chef-d'œuvre de. De la tout à fait. Du cinéma français, putain. Oui. Oui. Chef d'œuvre que je cherche en DVD, hein, si jamais quelqu'un veut s'en débarrasser. Alors, je me suis fait un fun fact avec Jeanne Osvark. Il a fait deux fois des suites de Spielberg. Deux fois, il est passé derrière. Les Dents de la Mer 2. Oui. Et il a réalisé un épisode de Columbo, comme Spielberg avant lui. Ah oui. Oui, effectivement. Mais il y en a beaucoup qui ont fait des épisodes de Columbo quand même. Ouais, Jeanne Osvark, incroyable quand même comme carrière. C'est-à-dire qu'il a fait oui. Les Dents de la Mer 2, il a eu des gros succès en France, aux États-Unis, il a eu des énormes budgets. Il a fini par réaliser des épisodes de pas mal, beaucoup d'épisodes de, notamment de New York Section Criminelle avec Vincent Donofrio. Ouais, il a beaucoup tourné à la télé. Ouais, le mec a pas chômé et il est mort l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Il y a 2-3 ans plutôt, ouais. Ouais. Ouais, et un de ses plus gros succès, c'était bien Supergirl, ouais. Oh, je pense que Les Dents de la Mer 2 a dû faire plus que Supergirl. Ah, peut-être, oui. Ouais, ouais, mais bon, c'était une suite. Mais oui, il a dû faire mieux. Mais Les Dents de la Mer 2, c'est la meilleure suite des Dents de la Mer, quand même. Ouais. Ce qui n'est pas difficile quand on voit les autres, mais... Bon, mais quand même, c'est notable. Mais quand même. Ouais, ouais. Et puis, c'était mieux qu'Hercule et Sherlock. De quoi, Supergirl? Ou Supergirl, oui, ou même Les Dents de la Mer 2. Putain, je crois que j'ai dû le mater d'un demi-œil ouvert, Hercule et Sherlock, en disant non, c'est vraiment trop naze. Ah bah moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit. Ah, tu peux pas en dire autant. Ce qui explique que tu aies moins de cheveux que moi. Ça a dû tomber ce jour-là. Ah, j'ai vu plein de films de Totof au cinéma quand j'étais petit. Oui, c'est ton idole. Hein. J'aime bien Totof. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale Totoche. Oh, ce serait avec plaisir. J'en ai plein des films avec Totof. C'est toi qui m'avais collé Résurrection à voir une fois. Ah ouais, c'est bien. Hein. Ah oui, j'adorais. C'était trop bien, Résurrection. Résurrection, il a sa place à Nanarland. Oui, bah, y avait des extraits de Résurrection à la dernière nuit en Irlande, justement, quand il perd son fils. C'est on beau. On ne devrait pas en rire, mais si. Mais ce mec-là, on aime bien se moquer de lui, mais il était. Je veux dire, il a tourné pour Cimino, il a fait Greystoke, il était. Non, il était sur des énormes projets. Hein. Ah, ben oui, c'est ça qui est dingue avec Christophe Lambert, c'est qu'il était sur des énormes projets, sur des trucs qu'on cartonnait, et puis à côté, il faisait un peu n'importe quoi quand même, quoi. Oui, tu vas le retrouver sur un Mortal Kombat, sur un Hercule et Sherlock. Oui. Voilà. Mais il a toujours notre sympathie. Bah ouais, je sais pas, moi je l'aime bien en tout cas, Totof. Ça reste un acteur que j'aime bien, un type que j'aime bien. Pas de vague non plus, on entend rarement parler de lui. Ah, il a pas tant d'affaires au cul que ça, je pense pas. Bah ouais, c'est peut-être déjà pas mal. Pas encore. Et puis, il a quand même été maquillé avec Sophie Marceau, donc... Oui. Bah, quand même. Oui, bah c'est bien pour lui, je veux c'est dire. C'est pas la plus moche, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est bien pour lui, mais moi, personnellement... Ça me concerne moyennement, quoi. Bah, ça peut susciter un peu de jalousie, quoi. Non, t'as 60s, bien supérieur à Sophie Marceau. Et bah voilà, t'as tout compris. Puis surtout, si je dis le contraire, j'en prends une. Alors, pour faire le malin, c'est pas l'heure. Bref, donc vous n'avez... Si, toi, t'as vu Hercule et Sherlock, donc, Mergrin. Je te dis, l'intrigue... Je me souviens qu'ils utilisent des chiens pour mener une enquête et qu'ils leur donnent de la pizza. Des chiens policiers, oui. Ils utilisent des chiens policiers pour récupérer le truc qu'ils ont perdu. Je crois que c'était de la drogue. Voilà. Et sinon, ils leur donnent de la pizza à manger. Et ils teignent les chiens en bleu et en orange. Ah, c'est ça la jaquette. C'est ça l'affiche. N'importe quoi. Ouais. Voilà. Et, tu rigoles, mais c'est le meilleur film d'Anconina. Hein. Alors, Anconina, c'est pareil. Hein. Faudra qu'on m'explique sa carrière des fois. Bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer, je suis en Conina, ceci dit. Non. Sixpack, quel chef-d'œuvre. C'est lui, non, Sixpack? Oui, c'est lui aussi, Sixpack, c'est vrai. Mmh. Oh, c'est dans la même veine que Résurrection, ça. Oh la vache, mais ça aussi, je l'ai vu au cinéma. Non, j'ai eu cette chance. Moi, je l'ai vu un soir halluciné devant une télé. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont tous voulu faire leur Seven, là, ces cons-là? Ah ouais. Ah oui, sans le budget, sans le talent, bah sans rien, sans un acteur. Mais d'ailleurs, je crois que Sixpack, sans déconner, c'est Mulcahy qui avait fait ça en plus. Non, c'est un Français. Sixpack, je sais. C'est. Non. J'ai Sixpack, film 1999 de. Alain Berberian. Berberian, oi. Ouais, c'est pourtant pas le plus mauvais du lot non plus. Hein. Ça aurait jamais été un grand, hein, Berberian. J'ai dit, c'est pas le plus mauvais du lot, malgré que j'ai pas dit que c'était un grand, faut pas déconner. Mais bon, la Cité de la Peur, c'est pas pour sa réalisation qu'on le regarde. Ouais, mais c'est pas déplaisant. Non, ça vaut pas. Le téléphone sonne toujours deux fois, mais bon. Oui, c'est pas la même équipe derrière. Bon, alors t'en es à combien du coup? T'en es encore à 5? Je sais pas si vous me l'accordez ou pas celui-là, mais c'est à vous. Ah bah si, on va te l'accorder parce que t'as trouvé le titre exact en plus avec peu d'indices que je donnerai aussi aux auditeurs, hein, Janos Fark. Ouais. Non, pas mal. C'est vrai. Donc tu es à 6 points sur 9, c'est pas mal. Vas-tu trouver le dernier? Le dernier, c'est le plus dur. C'est un peu mon Mad Max Fury Road si tu veux. Putain. Et donc, ça doit être Enter the Void, ou, vu la musique. Pas mal, c'est ça. C'est Enter the Void. Alors, joli, joli. Ah ouais, parce que là, c'est quand même... On était plus proche de l'hélicoptère passé à l'envers. Et tu sais que c'est la piste la plus musicale de la BO. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est chaud, Enter the... Alors, il faudrait que je le revoie, souvenir très flou. C'est... Bah, le film est flou, hein, en général. Ouais. Ah, ouais, chaud, ouais, bah voilà, Enter the Void. Ok. Ouais. Bon, bah écoute. Je sais pas si tu me l'accordes, mais. Oh, on va te l'accorder parce que t'as eu le titre quand même. T'as trouvé Gaspard Noé et aussitôt du tac au tac, t'es parti sur Enter the Void. Donc, ouais, parce que je connais un peu sa filmo et pour que ça soit aussi flou, je me suis dit, fallait que je prenne un de ses films les plus flous. Oui, oui, bah oui, clairement. D'ailleurs, je crois que c'est son dernier. Il n'y en a pas eu depuis Enter the Void. Si, il me semble qu'il y en a. Si, si, il n'y a pas Love. Il n'était pas après. Ah, si, si, t'as raison. Oui, il y a ça. Ouais, ouais, j'avais oublié celui-là. J'avais oublié celui-là. Ouais. Ah, bah, un sacré réalisateur aussi, cette fois, Gaspard Noé. Ouais, moi, j'ai plutôt tendance à aimer plus le début de carrière. Après, des trucs où il me perd un peu, Enter the Void. Mais il faut que je revoie. Mais j'adore le début de carrière, même jusqu'à Irréversible, je trouve qu'il n'y a pas une faute de goût, quoi. Moi, Irréversible, regarder juste après le martyr, c'est top. Ouais, bah comme Enter the Void, tu te fais une soirée Enter the Void, martyr, boum, t'es bien. On est dans l'ambiance. Tu finis avec Requiem for a Dream et t'es heureux, là. Requiem for a Dream et le film russe dont on parlait avec Maz. Oui, aussi, Requiem pour un massacre, allez, vas-y. Requiem. Allez, hop. Soirée bonne humeur. Soirée bonheur, là. La nuit de la gaieté. Youpi. Ouais, ouais. Donc, Enter the Void, qui est quand même un film qui suit quelqu'un qui vient de mourir. Ouais. C'est très... C'est un peu l'envol d'une âme, quoi. Ouais, ça, l'envol d'une âme, qui est très... C'est vraiment un film onirique et qui est à la limite de l'expérimental. Hein. Pourquoi un peu la comme limite? La musique, quoi. Ouais, c'est un peu comme la musique. Et oui, c'est pas sur la limite. On est... Si, on est sur la limite. On n'est pas dans l'expérimental pur et dur, on n'est pas sur... Mais la narration, elle est bien éclatée, quand même. Ouais. Mais visuellement, on est sur un truc magnifique. Thématiquement, ah, oui. C'est lourd. C'est très lourd. Et tu vois, tout à l'heure, vous parliez de Martyr, Sixty, tu disais que tu as fait 3 jours pour m'en remettre. Je crois que Hunter the Hoy, il m'a fallu une semaine et je suis pas sûr que je m'en sois encore remis. Hein. Ouais. Ça te fout le moral au plus bas. Ouais, faut être bien... bien conditionné, quoi. Ouais. Et encore, pourtant, c'est pas techniquement démoralisant dans les faits, hein, mais ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est des expériences sensorielles aussi, hein. C'est pas que ouais, ouais. Une narration, ça fait appel à tes sens, quoi. T'as envie de toucher, ouais, tu le vis pleinement. Ouais, j'aurais adoré le voir au ciné, tu vois, j'ai pas vu au ciné, parce que je pense qu'il a pas une grosse sortie. Il est sorti quand j'étais à Nantes, à mon avis, il passait pas à Nantes. Ouais. Ouais, ça, c'est un bien que j'essaye dans la salle ciné. Ah ouais, ça serait bien. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympa, ça peut bien rendre. C'est genre vraiment des expériences où il faut que tu aies le truc en grand devant toi, quoi. Ouais. Ouais, un sacré film. Enfin, moi, j'ai adoré ce film-là, en tout cas. Tu l'as en DVD, celui-là ? Ouais, je l'ai en DVD. Et pour le coup, je pense que c'est mon Gaspard Noé préféré. J'ai pas tout vu, mais... Je crois que ça reste seul contre tous, moi, mais parce qu'il est vraiment malsain. Oui, mais voilà, ça contre tout, c'est un côté malsain qui est un peu difficile à encaisser, alors que là, celui-là n'est pas spécialement malsain, hein, mais il est proche joyeux, quoi. Sur l'émission de Planet of the Tapes, j'ai mis un extrait du film, qui est un monologue de Philippe Naon. Je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas? Mais en même temps, il était tellement représentatif du film. Mais moi, bon, je me suis dit, ah, quand même, c'est un peu chaud à passer. Donc, même toi, t'as des scrupules? Ne le dis à personne, ça reste entre nous. Non, non, ça reste entre nous, promis. On diffusera pas. Non, bon, en tout cas, bravo donc pour celui-là. Hein. Ouais, bah on a fini 7. On a fini. Mais 7 oui. sur 10, c'est 7 plutôt. 7 sur 10, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a eu de la gentillesse de votre part. Hein. Vous m'avez accordé des points façon... qu'on a cumulés. J'ai eu des indices. Il y a un autre. Pour les auditeurs, ils ont aussi les indices qui s'affichent chez eux, comme la question pour un champion. Ah, ils en ont de la chance. Ah, Julien Lepers, bah ça oui, va oui, oui, Julien Lepers. Oui, oui, oui. Ah non, pardon, ça, c'est... Bah, tu te trompes, là, d'émission, là. C'est Julien Lepers, c'est Joseph Chacon Herbert Léonard. Oh, quel plaisir. Pour le plaisir. Bah, pour le plaisir, évidemment. Aïe, putain, il est con, j'ai mal au dos, moi, avec ces conneries. Ah, bah, en tout cas, ouais, 7, non, c'est bien. C'est un bon score. Je sais pas si nos poditeurs réguliers feront mieux. Je saurai quand ce qui sera diffusé. Ouais. J'aurai Seb qui va me le faire en direct. Non, moi, ça dépend des thématiques. Moi, j'arrive à retrouver des trucs que vous passez. Je crois que mon meilleur, ça devait être 8 ou 9. Je sais plus si j'ai fait un 10, mais il y a des trucs que j'ai dit, oh, trop facile. Ben oui. Mais non, en fait. C'est plus juste que j'ai eu du bol que ça tombe sur moi. Non, en général, on essaie quand même d'être plutôt sympa, que les gens puissent trouver facilement. Ouais, puis on est là pour ça. Les derniers, j'essaie toujours d'être une pute, ça, bon. tu y arrives tellement bien. En général, j'y arrive bien. Tu as Hercule et Sherlock, fallait le sortir. Ouais. Fallait y penser. Mais bon, ouais, pas tant de Vladimir Cosmaxa, mais il y en avait deux. Bah, quand même, deux sur dix. Il y en a 10, deux, hein. Quand même. Hein. Il y en a deux, ouais. Deux sur dix, c'est pas si mal. Il est un peu incontournable. Oui, oui, quand on parle de cinéma français, s'il n'y avait pas au moins deux ou trois titres de Vladimir Cosma, ça ne marchait pas. On avait hésité aussi avec la musique de L'aile ou la cuisse, qui est sympa. Qui est aussi de ça, je l'aurais retrouvé plus facilement. Ah bah, elle est marquée, elle est typée. Oui. Elle est nettement plus facile. Oui, oui. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas Cosma aussi, la soupe au chou, tiens. Non. Non. J'en suis sûr à 90%. Bon. On va te faire confiance à 90% alors. Comme d'hab, jamais à 100% moi. Non mais je vais pas les vérifier du coup, je te fais confiance là. Mais non, en plus je crois que c'est un mec, c'est pas un grand nom. Pourtant il a réussi son coup parce que tout le monde s'en souvient. Ah bah la soupe aux choux, la musique, punaise, ouais, tu l'oublies pas celle-là. Si, je vais quand même aller vérifier par curiosité. Soupe aux choux, film que j'aime bien jusqu'à l'arrivée de la femme où je trouve que le film se casse la gueule complètement. Ah, moi, je trouve pas que ça se casse la gueule à ce moment-là. Je trouve que ça marche plutôt bien. Non, c'est long. Non, c'est pas spécialement. Et la pauvre, ils ont pris une nana qui joue tellement mal. C'est pas. Ouais, par contre, c'est vrai qu'elle joue pas. Ça, c'est pas fou. Mais musique Raymond Lefebvre. Oui, effectivement, voilà. Il a fait que ça. Oh, non, mais non, même quand il y a la femme, moi, j'aime bien. Je trouve que ça marche bien. Non, ça marche pas du tout. C'est pas... c'est pas mon film préféré, hein. Moi j'aime bien, je trouve vachement touchant, la fin est assez triste, c'est un film que j'aime bien, moi. Beaucoup plus malin que ça en a l'air. Et je trouve que Carmé vole la vedette tellement à De Funès. Putain Carmé, oui mais De Funès c'est son dernier film je crois, La Soupe aux Choux. Non c'est Le Gendarme et les Gendarmettes je crois. Tu crois c'est bah Carmé? Non déjà c'est pas le dernier Gendarme et les Gendarmettes, le dernier c'est Les Gendarmes et les Extraterrestres. Non, le non dernier des Gendarmes c'est Le Gendarme et les Gendarmettes. Ah ouais je l'ai vu au cinéma. Oui. J'ai vu sur M6, tous les deux ans, je pense. Ouais, bah t'as économisé plus d'argent que moi, quoi. Bah oui, évidemment. Et tu sais que la salle était blindée, hein. Les gendarmes, ça faisait des cartons, la 7ème compagnie aussi. Les Charlots contre Dracula, les salles, putain, elles étaient pleines. Putain, c'est regardable, les Charlots. Hein, c'est pas bon, hein. Je suis retombé sur les Bidas, l'autre jour, ça m'a fait rire quand même. Oh là là là là. Là c'est des souvenirs d'enfance, les Bidas. Ouais, ouais, mais tu vois, je me suis rematé la 7ème compagnie, le premier, là. Ah oui, non, c'est pas top, ça. Je me suis un peu fait chier. Hein. Bah, je me suis dit, oh, je vais me régaler avec les acteurs, parce que t'as Pierre Mondi, t'as... Il faudrait peut-être que je réessaye le 2 ou le 3. Non, Guibé, il est pas dans le premier. Ah bon? Ouais, ah c'est ouais. Aldo Machon, et qui n'y est plus. Après, c'est Guibé qui le remplace. Et j'adore Guibé. Ah bah oui, bah, c'est toujours acteur. Mieux qu'Aldo Machon, ouais, quand même. Voilà, voilà. Eh ben écoute, en tout cas, bravo. 7, c'est pas mal. Non, enfin, c'est même bien, apparemment. Ouais, c'est correct. Alors, s'il y a des auditeurs qui font mieux que Mergreen, n'hésitez pas à nous le dire, ça le fera chier. Profitez-en. Non, je m'en fous. Non. Si vous voulez emmerder Mergreen, tapez 10. En fait, non, bah non, j'ai réfléchi, je m'en fous, s'ils font mieux. Ah bon, ils s'en foutent. Je suis content pour eux. Alors... Je ne suis pas un compétiteur du tout, moi. C'est un truc de fou. Bon, bah, je suis content de gagner, je suis content quand les autres gagnent. Oui, alors pour info, il n'y avait rien à gagner là. Même si ouais, tu avais fait 10. Bah, ouais. Et bah t'as vu, j'ai réagi comme s'il n'y avait rien à gagner. Voilà, impeccable. Si quelqu'un fait 10 en direct, il a toute notre connaissance et puis bah. Ah oui, bah, j'aurais été très content. J'aurais été très content, mais. Voilà, je suis quand même content de ne pas avoir fait 10. Je suis content quoi qu'il arrive. T'es content de pas avoir fait 10. T'es content de pas avoir retrouvé Inspecteur la bavure, par exemple. Ouais. Disons que j'ai pas de honte à ne pas avoir retrouvé. Il y a pas de titre où je m'en veux vraiment de dire oh merde, quel âne, j'ai pas retrouvé ça. Bon, ça va alors. Ouais, il y en a que t'as trouvé en deux secondes, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est parce que je les connais, je les aime d'amour. Ou que je les ai poncés. Je m'écoutais pas mal de BO aussi. Hein. Le disque de Nikita, je l'avais. Mais ça joue. Ça joue. Bon, en tout cas, bravo. T'es content d'être venu jouer ? Ah bah oui, je me suis dit, jamais ils vont m'inviter. Ils ont invité tous les copains, sauf moi. Donc, je sais pas ce que... Ah, m'ont gardé le meilleur pour la fin, écoute. Oh, voilà. T'es trop mignon. Tu vois que tu peux me faire des compliments sans te forcer. Ouais, tu vois, oui, mais c'est pas la fin. Enfin, je me disais on aussi. A prévu de continuer le Blindcast, hein, mais bon. Oui, alors, le meilleur jusqu'ici. Voilà, si tu veux, le meilleur jusqu'ici, c'est très bien. Le meilleur qui a pas fait le meilleur score, mais... 7 si, je crois que Seb et Jazz, ils ont fait un petit 10 quand ils sont venus. Non. Si, si, quand ils ont été tous les deux. Bah, la première fois qu'on enregistrait tous les deux, ils ont fait un 10 sur 10. Ah bon ? Et la deuxième fois, quand tu étais là, ils n'ont pas fait 10 sur 10 parce que c'était l'un contre l'autre. Ah oui. Et Ron, il avait pas fait 10 sur 10. Ron, non, il n'avait pas fait 10 sur 10. Mais il avait fait un bon score. Hein. Je ne sais plus si c'était 7 ou 8, mais il avait fait un bon score. Mais j'avais 2-3 trucs un peu corsés à la fin. J'avoue que j'avais été chercher des fonds de catalogue. C'était quoi la thématique avec Ron ? Il n'y avait pas de thématique. Non. Non, le but, c'était des trucs difficiles. Ah oui. Thématique, c'était truc Vislard, voilà. Ouais. J'avais été lui chercher un film d'horreur suédois pour le dernier, Evil Head. Et une musique jamaïcaine. C'est dire à quel point ce type est quand même retors et pervers. Ouais, je parle de toi, hein, je parle pas de Ron. Ouais, mais... Ah non, Ron, il est pas pervers, non. Quand même. Non, il a d'autres défauts, mais pas pervers. Ouais, bah, il peut pas tout faire. Non. Bon, est-ce que tu veux faire un petit peu de pub, Marine, maintenant que t'es là? Bah écoute, je fais des podcasts, j'en crée, oui. J'en anime, j'en réalise, des fois avec des gens bien, par exemple, oui. Pierre Desproges est étonnant, tous les 15 jours, avec un joyeux avec trillion. Des gens bien. Oui, j'ai dit avec des gens bien. Ah oui, c'est gentil. Aussi. J'en fais plein avec des gens bien, parce que j'ai toujours des invités dans Planet of the Tapes, le podcast originel. Le podcast qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. Il y a le journal podcastique qui me permet de déverser ma bile, ma rage, ma haine contre l'humanité tous les 15 jours également. Et ton courroux. Et mon courroux, coucou. Voilà. Et puis l'auberge des darons avec le camarade Ron Kenobi et de plus en plus avec le camarade Toucheux prend de plus en plus de plaisir à recevoir et avec qui on aime partager nos élucubrations sur des sujets de société ou juste pour dire des conneries. Ça nous va très bien aussi, on sait s'en satisfaire. Bah tu vois, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, Toshio, il est à deux doigts d'avoir son tabouret attitré maintenant au comptoir. Il va avoir son rond de serviette, je sens que ça va finir comme ça, quoi. Ah bah oui. Bon bah écoute, c'est pas mal tout ça. Bah ça fait du... Ça nous fait du boulot. Ouais. Tu m'étonnes. Et de quoi tu veux nous parler dans les prochains Planet of the Tapes ? T'as déjà un petit planning de prévu au niveau des films ? J'ai déjà un format, nouveau format qui va apparaître dans Planet of the Tapes. Ouais. Est-ce que je le dis maintenant ? Je vais te le dire en off parce que je voudrais que ça soit une surprise. Ok, donc, ça marche. Le prochain Planet of the Tapes, je vais essayer une nouvelle formule. On continuera de parler de cinéma. Mais on va prendre un angle, un prisme un tout petit peu différent. Oh, ça c'est intéressant. Ouais. Et c'est quand le prochain Planet of the Tapes ? Parce que là on enregistre, on est jeudi 23. On est jeudi 23, donc on a un journal podcastique, on va avoir un daron. Entre temps, on va avoir un autre journal podcastique, donc on va dire dans un petit mois. Oui, donc le podcast, le Blindcast, lui sera sorti. Donc effectivement... Voilà. Ne dis rien si tu veux garder la surprise. Ouais, je teaserai quelques jours auparavant, comme je le fais souvent, sur les merveilleux réseaux sociaux qui animent nos journées et rythment nos nuits. Je dis n'importe quoi. Mes nuits. Non, ça va, j'essaye de dormir, moi surtout. Ouais, moi aussi. La nuit, c'est ce que je fais. Non, mais par contre, quand je me réveille le matin et que je regarde, des fois, je me dis, putain, il y en a qui ne doivent pas beaucoup dormir et qui doivent bien se faire chier pour poster ce qu'ils postent. C'est possible aussi, ça peut arriver, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Bon, bah écoute, sinon, bon, on va se dire au revoir alors dans ce cas-là. Ouais, on fait un bisou aux popiens, popiennes qui nous voilà. écoutent parce que, bon, on est obligé de citer un peu la maison. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité Galaxy Pop, mais tu nous fais un petit Galaxy Pop, ma chérie ? Ben, pourquoi comme ça, là ? Bah, comme un ça, petit Galaxy Pop ? Oui, oui, mais Galaxy Pop. Galaxy Pop. Voilà, comme ça, elle est contente, Dani, il va faire du jingle. Ouais, miam miam, Galaxy Pop. Voilà. bah oui, donc un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent, et puis on va y aller. Tu veux faire une petite reco ou t'as pas de reco ? Une petite reco, oui. Une petite reco, vite fait sur le gaz, j'ai vu il y a deux jours Horns de, bah, on en parlait, de Alexandre Aja, avec Daniel Radcliffe. J'ai passé un très bon moment, en fait. Ah, bah c'est bon à savoir, parce que je savais pas où foutre les pieds avec celui-là. Moi non plus. Oh, 10 minutes trop long, mais c'est 99% des films, donc maintenant je... Non, 99% des films, c'est 30 minutes trop long aussi, avec 10 minutes, c'est déjà bien. Ouais, mais j'ai passé un bon moment parce que c'était pas juste l'histoire d'un mec qui se réveille avec des cornes qui poussent, c'est l'histoire d'un mec qui se réveille avec des cornes qui poussent, et il est accusé de meurtre, mais ses cornes lui donnent le pouvoir de faire dire la vérité aux gens, donc il y a des choses très très drôle et des choses moins drôles. C'est il y a un côté polar fantastique qui est pas mal du tout. Ok. Ok. Bah, écoute, merci pour l'arco. Voilà. Et, bah tiens, moi je vais en placer une aussi. Moi j'ai acheté le livre Bud Spencer, Terence Hill, leur vie, leur œuvre là chez Pulse. Et bah il est vachement bien. Il est vachement bien. Ouais, t'avais fait un unboxing. Il est vachement bien documenté. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit unboxing dessus. Et vraiment, je recommande. S'il est toujours trouvable, c'est un super livre pour ceux qui aiment Terence Hill et Bud Spencer, bien sûr. C'est que les Trinitas, je les ai vus au ciné. Hein. Oh là, t'en as eu de la chance, toi. Ouais, ouais. J'aurais bien aimé voir les Trinitas, les deux super flics au ciné, où Mon nom est personne, putain, ça devait être bien aussi, ça. J'en ai vu deux au ciné, c'est ma grand-mère qui m'emmenait les voir. Les Trinitas, il n'y en a que deux, alors ça va, du coup. Bah voilà, je les ai vus tous les deux au ciné, et c'est ma grand-mère qui m'emmenait les voir, et puis elle m'emmenait voir aussi, j'ai vu un ou deux Jackie Chan à leur sortie au ciné. Bon, dis. C'était la belle époque. Bah ouais, ouais, la belle époque, ouais, tu m'étonnes. Voilà. Tu remarques les sorties ciné France des Jackie Chan, t'as dû te cogner Contre-Attaque peut-être ? Et Jackie dans le Bronx, un truc comme non, ça ? Non, non, non, c'était avant, je me suis cogné le Chinois, je me souviens très bien du Chinois. Ah, il est sorti en France, il est bien le Chinois. Ouais, c'est pas son meilleur, mais il avait déjà quelques prouesses. Moi, je sortais de là, j'étais enchanté. Ah, il est bien. Ouais, ouais. C'est celui dont je me souvenais le plus, et ouais, ouais, ça m'avait bien marqué. C'était fait par le mec qui avait réalisé Enter the Dragon. Oui, c'est ce que je veux dire, le réalisateur Klaus, d'Opération Robert Close. Robert Close, ouais. Mais mieux réalisé, enfin, plus dynamique que Enter the Dragon. Hein. Ouais, c'est mieux qu'Enter the Dragon. Mais on sent que Jackie devait être bien déjà aux chorégraphies. Oui, oui, c'est fort probable. Voilà. Et toi, Sixties, t'avais une petite reco à faire ? Eh bien, écoute, moi, là, je suis en train de regarder plutôt une série. The Testament, qui est la suite spin-off, enfin, c'est plutôt la suite de La Servante Écarlate. Je sais pas si c'est. D'accord, je vois ce que c'est. J'ai pas vu, mais je vois. C'est très, c'est dystopique, hein, c'est tout ce que j'aime. Donc, ça se passe 15 ans après la fin. On est sur la comédie, on rigole bien. On rigole bien, ouais. Ouais, il y a des pendaisons, ouais, on rigole bien. Ouais, c'est bien ça. Donc ça se passe 15 ans après la fin de la dernière saison, de la sixième saison, du coup, de La Servante Écarlate. Ça fait énormément d'épisodes, tout ça. Non, 15 ans après. C'est une ellipse, hein, 15 ans, t'es pas obligé de te taper. Oui, mais faut quand même regarder pas taper les 6 saisons avant. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça fait pas mal d'épisodes. Mais ouais, c'est pas mal. C'est une série très esthétique au-delà de l'horreur qui est dépeinte. C'est très beau à regarder en fait. C'est dur, mais c'est beau. Voilà. Très bien. Bah, écoute, impeccable. Voilà. C'est noté. Bon, bah écoute, on va dire au revoir à tout le monde et à la prochaine. Qui arrivera un peu bientôt. Plus vite parce qu'elle est prévue au mois de mai pour le prochain Blindcast. Et merci d'avoir reçu. Eh ben, merci Marvin. Allez, salut à tous. Salut. Salut. T'aimes le cinéma, mais t'en as marre qu'on te parle de films que t'as pas vus et qu'on spoil en plus? Tu veux du bon, du ringard, du culte, du flingué, parfois tout en même temps? Alors, bienvenue dans Deux Banques Sinon Rien. Tous les dimanches soirs, on parle ciné, sans actu, sans pression autre que celle qu'on boit. Juste deux potes, deux cerveaux pas toujours d'accord et pas toujours allumés, et des souvenirs plein la tête. Des blockbusters qui ont mal vieilli, des pépites oubliées, des navets si cramés qu'on les regarde en boucle. Et parfois, des idées qu'on regrette dès le générique. On n'est pas critique, on n'est pas pro, on est juste passionné, et un peu con, voire beaucoup. Mais sympa. Deux Banques Sinon Rien, c'est chez Galaxy Pop tous les dimanches soirs, soit sur le flux dédié, soit dans la gazette. Branche-toi, pose-toi, et viens râler, rire ou hocher la tête avec nous. Deux Banques Sinon Rien, le podcast ciné, sans spoiler, mais avec opinion très personnelle. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.